Comment dit-on faire ? Affaire. Affaire. Hein ? Il faut insister sur la dernière syllabe. Affaire. Affaire. Et voir se dit Ber. Ber. Donc, le voir. Berlo. Berlo. Et faire, c'est affaire. Affaire. Et comment direz-vous le faire ? Affaire l'eau. Comme dans affaire, on insiste sur faire. Donc, ce n'est pas affaire l'eau, mais affaire l'eau. Affaire l'eau. C'est ça. Affaire l'eau. On a donc l'infinitif affaire auquel on accole l'eau. Affaire l'eau. Et ça s'écrit en un seul mot. Ça s'écrit tout attaché. Affaire l'eau. Le faire. Donc, je ne veux pas le faire comme ça, se dit. No quiero hacerlo así. Bien. No quiero hacerlo así. Et je ne peux pas le faire. No puedo hacerlo. D'accord. No puedo hacerlo. Je ne peux pas le faire. Pourquoi ne pouvez-vous pas le faire? Por qué ne pouvez-vous pas? No puedo. Réessayez encore une fois. Por qué no puede. D'accord. Por qué no puede le faire? Hacerlo. Oui, c'est ça. Por qué no puede hacerlo? Comment direz-vous « Je veux savoir pourquoi vous ne pouvez pas le faire maintenant ?» Je veux savoir. Quiero. Oui, quiero. Savoir se dit. Saber. Encore une fois, oui. Saber. Quiero saber. Bien. Quiero saber. Hein? S-A-B-E-R. Savoir. Quiero saber. Pourquoi? Por qué? Oui. Vous ne pouvez pas le faire maintenant. No puede. Je voudrais entendre un peu plus nettement quelle est la syllabe accentuée. Hein? No puede. D'accord. No puede. Le faire maintenant. À faire. Ahora. Le faire. Ah oui. À faire l'eau. Ahora. Bien. Donc, quiero saber. Je veux savoir. Por qué. Pourquoi. Vous ne pouvez pas le faire. No puede. Vous ne pouvez pas. Hein? Hacerlo. Le faire. Ahora. Maintenant, quiero saber por qué no puede hacerlo ahora.